Chapitre 1er, le baron Stromboli. Sur l'eau grise, moirée par la brise et que le soleil de juillet faisait luire, l'escadre poméranienne, au grand complet, était posée. En une ligne symétrique, les gigantesques cuirassés, tout blancs, sans une tache, élevaient vers le ciel les cimes parallèles de leurs mâts d'acier et le panache roux des fumées de leurs chaudières. Ils arboraient le grand pavois. Pas un de leurs cordages qui ne soutint 1000 pavillons aux couleurs hurlantes, et à leur poupe, l'aigle noir, drapé de blanc, frissonnait. Derrière les cuirassés, les croiseurs, plus longs, aux lignes effilées, puis les minces torpilleurs aux énormes cheminées. Toute la flotte poméranienne était là. À l'horizon, la ville de Piel, grise, presque noire, s'étendait sur la côte basse, et entre deux bouées, 5 yachts de course aux mâtures invraisemblables attendaient le signal du départ. En face des navires de guerre, la multitude des yachts de toutes les nations, depuis le grand steamer à marche rapide, vaste comme un paquebot, jusqu'aux coquilles de noix montées par deux hommes, se pressaient pour assister à la fête unique qu'est l'inauguration de la grande semaine maritime de Piel. À l'extrémité de la ligne des cuirassés, le Wesselbourn, yacht de l'empereur de Poméranie, stationnait. Sur la passerelle, au ton de lui-même, vêtu de flanelle blanche, se tenait tout droit, une main crispée sur la rambarde d'acier, l'autre soutenant une paire de jumelles. Derrière lui, au milieu d'un groupe d'officiers aux uniformes couverts d'or, l'attaché naval anglais émettait à voix basse quelques pronostics sur le gagnant probable des régates qui allaient avoir lieu. Médusés par la présence de leur souverain, les officiers poméraniens ne répondaient que par de légers signes de tête. Un silence respectueux régnait. Il fut soudain troublé par le bruit d'une discussion venant du pont du yacht impérial, juste sous la passerelle. « Sa Majesté ne me recevra pas, commandant, » disait une voix rude, celle de l'officier de quart du Wesselbourn. « Et moi je vous dis que si l'empereur connaissait la gravité de ce que j'ai à lui annoncer, il m'accorderait de suite une audience. « Signalez votre communication à l'amiral. » « Non, et prenez garde, je vous avertis que vous risquez simplement le conseil de guerre en ne m'obéissant pas, lieutenant. » J'ai une consigne, je l'exécute. Eh bien. Autant d'eux entendit. Déjà l'empereur s'impatientait. Il était arrivé en avance et souhaitait d'en avoir fini. Il s'énervait à contempler les yachts immobiles. Il abaissa ses jumelles. Les sourcils froncés, il se retourna et d'un mouvement bref, se pencha pour apercevoir les individus assez audacieux pour élever la voix dans le voisinage de l'empereur. Il vit un lieutenant du Wesselbourn qui résolument tenait tête à un capitaine de vaisseau en grande tenue. Ce dernier, calme mais obstiné, continuait à demander d'être conduit devant l'empereur. Il paraissait très jeune pour son grade, 35 à 40 ans, et tout dans ses gestes, sa voix et son attitude dénotaient l'homme distingué, le gentilhomme. Autant d'eux en fut favorablement impressionné, bien qu'il trouvât étrange la présence à son bord de cet officier supérieur. « Montez, messieurs, » dit-il d'une voix brève. Le capitaine de vaisseau, sans se montrer le moins du monde ému, gravit lentement les degrés de bois conduisant sur la passerelle. Derrière lui venait le lieutenant de vaisseau tout tremblant. L'officier supérieur salua son souverain et, s'étant immobilisé, attendit. Discrètement, les officiers entourant l'empereur se retiraient à l'extrémité de la passerelle. « Qui êtes-vous ? » demanda le souverain. « Le capitaine de vaisseau Konrad Lauser. » Commandant le cuirassé Rhein. Pourquoi avez-vous quitté votre navire sans la permission de l'amiral ? Majesté, j'ai à vous faire une communication de la plus haute importance. C'est bien, je vous verrai plus tard. Regagnez votre navire, je vous ferai mander. Le fracas d'une détonation interrompit l'empereur. On venait de donner le signal du départ des yachts. Les légers bâtiments, leurs voiles aussitôt établies, glissaient déjà sur l'eau grise, penchés comme d'énormes albatros. Autant d'eux les contempla un instant et se retournant vers Konrad Lauser, toujours immobile, s'écria « Je vous ai dit que vous pouviez disposer, monsieur. Sa Majesté me permettra de n'en rien faire. Il faut absolument que je lui parle de suite. Il y va de l'intérêt de la marine impériale. » Le visage de l'empereur prit un aspect dur. « Que voulez-vous dire ? Parlez. Il ne m'est possible de parler que seul avec Sa Majesté. » Autant d'eux resta un instant sans réponse. Il examina l'homme qui était devant lui en se demandant s'il n'avait pas affaire à un fou. Konrad Lauser devina la pensée du souverain. « Je ne suis pas fou, Majesté, » dit-il. Mais déjà, autant d'eux se tournait vers le lieutenant du Wesselbourn, qui, hébété, avait assisté au colloque et lui montrant l'échelle d'un geste bref, s'écria « Regagnez votre poste, monsieur !» L'officier, heureux de s'en aller, ne se fit pas répéter cet ordre et disparut. « Qu'avez-vous à me dire, capitaine ?» questionna Othon. Il contenait avec peine l'irritation qui commençait à le gagner. « Si Sa Majesté veut bien venir dans le kiosque des cartes, j'aurai l'honneur de la renseigner immédiatement. » Intrigué au-delà de toute expression, l'empereur déféra cette invitation. Il avait hâte maintenant de savoir le mobile qui faisait agir Conrad Lauser. Les deux hommes, l'un suivant l'autre, entrèrent dans le kiosque d'Acajou sous le regard étonné des officiers du Wesselbourne et de l'attaché naval anglais. Conrad Lauser ferma la porte vitrée. Il parla. « Sire, je désirerais être anobli. C'est pourquoi j'ai résolu de tout faire afin que votre majesté veuille bien m'accorder cette distinction. Comment ? Oui. Je me suis donc rendu maître du cuirassé Rhein, le plus puissant de la flotte poméranienne. Il est monté par des officiers de mes amis et prêt à foudroyer le Wesselbourne si je le veux. » Une flamme dans les yeux, Othon s'était redressé. Il courut vers la porte du kiosque, mais, souriant, Conrad Lauser se plaça au-devant du souverain. « Pas de scandale, majesté. Sinon, je donne le signal convenu et le bombardement commence. Tout est prêt. Quatre de mes amis sont dans la tourelle avant, dont les canons sont chargés. » L'empereur de Poméranie, mortellement pâle, comprit que Conrad Lauser disait vrai. Effectivement, les deux canons de 280 mm du cuirassé étaient braqués sur le yacht impérial. Quelle honte pour la marine poméranienne s'il exécutait sa menace. La flotte impériale, si fière de sa discipline, de son organisation sans défaut, donnant au monde le spectacle ridicule et extraordinaire d'un cuirassé bombardant le yacht de l'empereur. Il fallait transiger. Après, on verrait. Et le puissant souverain comptait bien faire payer cher à l'audacieux l'humiliation de cette seconde. Il regarda Lauser de son œil froid et bleu. « Que désirez-vous » questionna-t-il à voix basse. « Un écrit de vous, sire, me conférant le titre de baron, baron Stromboli. Le nom me plaît et une dotation de 2 millions de marques sur votre cassette. Et si je vous faisais arrêter, impossible majesté, vous seriez mort avant. Je ne peux pas vous signer un acte de noblesse ici. Mais si, je l'ai sur moi, tout préparé. » Et Conrad Lauser tendit au souverain un parchemin, attestant qu'à la suite de services exceptionnels, M. César Stromboli était élevé à la dignité de baron de l'Empire de Poméranie. « Si votre majesté veut bien signer, » s'écria le capitaine de vaisseau en présentant à Othon II un magnifique stylographe d'or surmonté d'une énorme perle fine. Sans mot dire, l'empereur prit le précieux porte-plume et d'un geste nerveux paraffa le parchemin. Le nouveau baron Stromboli, après avoir laissé le papier sécher un instant, le plia soigneusement et le mit dans sa poche. « Maintenant, si votre majesté voulait bien me signer ce petit ordre de paiement sur sa cassette, » dit le baron Stromboli, et il sortit de sa poche le document annoncé. Le puissant empereur de Poméranie avait hâte d'en finir. Il signa. « Je vais à présent, majesté, regagner mon navire qui va me conduire en lieu sûr. J'y attendrai que l'amiral von Bachelor m'y envoie un état-major de rechange avant de partir, et ainsi tout se passera sans scandale. » Et sur ces mots, le baron Stromboli salua militairement et sortit du kiosque. En quelques pas, il eut gagné le canot à vapeur du Rhein qui l'attendait au bas de l'échelle du Wesselbourne. Et tandis que le petit vapeur s'éloignait du yacht impérial, Othon II, en proie à une rage indicible, sortait du kiosque. « Signalez à l'amiral von Bachelor de se rendre immédiatement devant moi, » dit-il à un aide-de-camp accouru. La course des yachts tirait à sa fin. Déjà le vainqueur, un magnifique racer anglais, était proche de la bouée marquant le but. Othon II s'approcha de l'attaché naval britannique. « Je vous félicite, » dit-il, redevenu calme, « de la victoire de votre compatriote. Ah, nous aurons fort à faire pour vous égaler. Mais non, sire, voyez ce cuirassé, quelle manœuvre admirable, on ne ferait mieux dans aucune marine. » Le Rhein, son ancre rentrée, sortait lentement de la ligne des cuirassés. Conduit avec une sûreté de main, une décision extraordinaire, il passa devant le cuirassé amiral, rasa le Wesselbourne qu'il salua à moins de 50 mètres et fila vers le nord, laissant derrière lui deux panaches de fumée. Sur la passerelle de manœuvre, Othon II aperçut le baron Stromboli lui-même qui dirigeait l'appareillage du Rhein avec une maestria admirable. En quelques instants, le puissant cuirassé eut gagné le large. « La route au nord 43 est !» ordonna le baron à l'officier de quart. « Téléphone-moi dès que tu verras les torpilleurs que cet imbécile de von Bachelor ne va pas manquer de nous envoyer. Tu feras télégraphier par sans fil que je coule le premier qui s'approche à moins de 1000 mètres. Entendu. » Le baron Stromboli tira de sa poche un étui d'or, en sortit une fine cigarette de tabac blanc qu'il alluma, et se dirigea à pas lents vers les appartements qu'il occupait à l'arrière du cuirassé. Il y arriva bientôt, jeta sa cigarette, et ayant écarté d'un geste le factionnaire qui veillait à l'entrée, pénétra dans son salon. Un élégant gentleman, vêtu en yachtman, costume de flanelle blanche rayé de noir, souliers de peau de daim, qui était assis dans un fauteuil, se dressa. « Ah, mon cher Lauza, dit-il, vous n'en finissiez plus, vous savez, je commençais à m'impatienter. J'étais venu pour vous inviter à dîner ce soir au Kaiserhof, si toutefois les nécessités du service ne vous en empêchent pas. » Le pseudo Conrad Lauser eut un léger sourire. Trop aimable, mon cher Lord Montag. Mais comment, diable, avez-vous fait pour monter à bord malgré la consigne? Bon, avec quelques marques adroitement distribuées, on fait bien des choses ici. Je craignais de ne pouvoir vous faire parvenir mon invitation, et surtout, je vous l'avoue, je trouvais curieux d'assister aux régates à bord d'un cuirassé poméranien. Ce en quoi vous avez eu tort, mon cher ami. Vous n'assisterez pas aux régates et vous ne dînerez pas au Kaiserhof ce soir. Vous plaisantez, s'écria Lord Montag, étonné. Que voulez-vous dire? Très peu de choses, mon cher. Tout d'abord, que je ne m'appelle ni Conrad, ni Lauser, et que je ne suis pas capitaine de vaisseau, ni même poméranien. Lord Montag recula, un peu effrayé. Le pseudo Conrad Lauser comprit sa pensée. Je ne suis pas fou, n'ayez pas peur, mon ami. C'est très simple. Conrad Lauser était mon ami. Il me ressemblait étrangement. Il mourut dans mes bras près de Bade il y a 7 mois. J'eus une idée. Il me parut drôle de continuer à jouer le rôle que mon ami, de son vivant, avait tenu dans la comédie humaine. Je fis enterrer mon ami sous le nom que je portais à cette époque, et c'est ainsi que je devins le commandant de ce cuirassé. Lord Montag, effaré malgré son sang-froid britannique, ne trouva pas de réponse. Son interlocuteur, souriant, poursuivit. Et maintenant, à la suite d'un petit incident qui vient de se passer, nous allons vers le Danemark où je vous débarquerai, ce qui vous empêchera de dîner ce soir au Kaiserhof. Mais enfin, les officiers. Depuis 2 jours, les véritables officiers du Rhin ont été envoyés par moi en permission les uns après les autres. L'état-major est composé d'amis à moi. Aujourd'hui, j'ai arraché par la menace quelques avantages à l'empereur Othon. Et maintenant, nous fuyons vers l'île de Laaland où nous serons dans 1 heure. Nous débarquerons aussitôt, et ceux qui ne vont pas manquer de nous poursuivre nous remplaceront à bord. « C'est violent !» exclama Lord Montag, qui peu à peu se remettait. « Dans la marine anglaise, une chose pareille serait impossible. »« Savoir !» fit le baron Stromboli, énigmatique. Mais une sonnerie stridente l'interrompit. Le baron bondit vers un téléphone posé sur une console. « Allô ? J'écoute. » « 2 torpilleurs nous convoient à petite distance. C'est bien. » « Je vais venir. » D'un geste nerveux, Stromboli raccrochait le récepteur. « Vous m'excusez, je suis à vous dans quelques instants, » dit-il au noble lord. Et très tranquillement, il sortit du salon et se dirigea vers la passerelle du Rhin. Lorsqu'il y arriva, le cuirassé était à mi-chemin entre Piel et l'île de Laaland. Sur la mer calme, il glissait à une vitesse de 20 nœuds et derrière lui, 2 contre-torpilleurs, vomissant vers le ciel une épaisse fumée, suivaient. « Je les ai prévenus par TSF de ne pas approcher à moins de 1000 mètres, » dit l'officier de quart au baron. « Ils n'ont pas répondu, mais se le sont tenus pour dit. « Bien. Pour le moment, il n'y a qu'à continuer. Dans 3 quarts d'heure, nous serons à Rodby. Le renard nous y attend, dans un coin du fjord. Oui. » Les deux hommes, sans cesser de causer, commencèrent à se promener de long en large. Sur le pont du cuirassé, les marins étaient à leur poste, se demandant ce que voulait dire cette promenade inattendue. Mais on ne raisonne pas dans la marine impériale, on obéit. Cependant, les hautes falaises noires et dentelées de la côte danoise se rapprochaient rapidement. « Chacun à son poste de mouillage !» commanda le baron Stromboli d'une voix de stentor. Peu à peu, l'échancrure sombre du fjord de Rodby se distinguait. Et à 1 mile environ vers le sud, les 2 destroyers continuaient leur poursuite. Le fjord, bientôt, ne fut plus qu'à 800 mètres de l'avant du cuirassé. « Machine, stop !» commanda le baron, paré à mouiller. Le Rhin ralentit sa marche, et Stromboli, ayant fait battre en arrière, s'immobilisa à quelques centaines de mètres devant le fjord. Bâbord, mouillé. Le tonnerre de la chaîne énorme se ruant, entraîné par l'ancre à travers les cubiers, ébranla l'air. tandis que l'énorme masse d'acier trouait la surface liquide en faisant rejaillir autour d'elle un bouillonnement neigeux. Le baron Stromboli, aussitôt, descendit de la passerelle et regagna son salon. « Nous voici arrivés, Lord. Vous venez ?»« Ma foi, non. Je reste à bord. Je vais voir la tête des Poméraniens. À votre aise. Mais vous savez, ils pourraient bien se venger sur vous de ma petite plaisanterie. À votre place, je prendrai l'air. Ils n'oseront pas. Adieu donc, mon cher ami, et je pense bien que nous nous reverrons. » L'anglais s'inclina sans répondre. Insouciant, le baron Stromboli remonta sur la passerelle. Il sortit de sa poche un sifflet bizarre et inconnu dans toutes les marines et en tira un son étrange. À cet appel, tous les officiers du bord, sans distinction de grade ni de spécialité, accoururent autour de lui. « Venez, messieurs !» Le baron Stromboli, suivi de tout son état-major, descendit l'échelle de tribord arrière à laquelle un élégant canot automobile était venu accoster. Sous les yeux agrandis par l'ahurissement de tout l'équipage du Rhin, Stromboli et les officiers du cuirassé y prirent place. Le canot déborda aussitôt et, à une vitesse folle, s'éloigna du cuirassé et fila vers le nord-est. 10 minutes plus tard, les deux contre-torpilleurs arrivaient et venaient se placer le long du Rhin. Leurs officiers bondirent à bord du cuirassé et apprirent ainsi le départ précipité du Falcon Radlauser et de ses officiers. Ils avaient des ordres pour ne pas insister. Quelques-uns d'entre eux remplacèrent les disparus. Le Rhin reprit la mer et regagna à Piel où il arriva dans la soirée, sans que son équipage eût rien compris à ce voyage. Un mois plus tard, la Deutsche Bank présentait à l'encaissement un bon de 2 millions de marques sur la cassette impériale à l'ordre du baron Cesare Stromboli. Il fut payé sans la moindre difficulté.